Et comme chaque samedi, comme chaque dimanche, c'est le retour de la bonne idée des guides balado sur France Bleu avec Jean-Michel Mamane. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Directeur éditorial des guides balado, les fameux guides balado d'ailleurs, qui vont vous permettre de découvrir des lieux de nature ou de villégiature en France, des coins ne pas manquer, notamment aujourd'hui avec un parc animalier, pas n'importe où. Absolument, un parc animalier à 80 km de Marseille. Là, nous sommes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans les Bouches-du-Rhône pour être précis. Parc animalier qui s'appelle Arc-en-Ciel. Tout un programme donc. Voilà, un Molégès. Voilà, et un parc animalier où il faut absolument amener ses enfants. Parce que c'est un parc où les enfants apprennent vite une chose. Plus on donne d'amour aux animaux, plus ils en ont à revendre. C'est vrai. C'est vrai parce que les bêtes sont... Tous les pensionnaires, on va dire, sont dans des enclos assez vastes et très bien aménagés. C'est vraiment, on surnomme cette ferme un peu la ferme de l'amour. On place. Peut les approcher donc les animaux, on rentre dans l'enclos. On joue avec tranquillement, donc on peut approcher les bêtes à poils et à plumes qui sortent volontiers des enclos pour saluer les jeunes visiteurs. Et ça, c'est très bien, parce qu'il y a quelque chose de pédagogique et ludique à la fois. Alors, il n'y a pas d'animaux dangereux, j'imagine, hein, parce que si c'est les petits qui peuvent venir, les toucher, les caresser... Là, c'est pas une ferme de bisons, ce sont des chèvres, des brebis, il y a également les ânes, Pépito et Sophie, qui ont plus donné naissance à un petit... Je connais une Sophie qui travaille avec nous, qui travaille avec vous aussi, Jean-Michel. Et donc, rien à voir. Non, rien à voir. Pour l'âne non plus avec moi. Ok. Pépito et Sophie. Donc, il y a des cochons, il y a même un sanglier. Enfin, c'est vraiment sympa. Tout se passe dans quelque chose d'assez joyeux, puisque vraiment, on sent que les enfants sont au contact de la nature, de ces animaux. Et ça change la traditionnelle visite du zoo. On est derrière. Oui, on peut vraiment les approcher et les caresser. Est-ce qu'ils ont des explications, par exemple? Est-ce qu'ils sont accompagnés avec des guides ou les fermiers pour leur dire, une chèvre, ça mange ceci, on s'occupe d'elle de cette manière? Tout à fait, les propriétaires, c'est un couple, donc Eliane et Gérard Baronti, qui s'occupent de tous ces pensionnaires et qui sont vraiment là pour renseigner, qui nourrissent avec les enfants, à certains horaires, les animaux. On les fait vraiment participer, ils ne sont pas simplement spectateurs. D'accord, ils peuvent repartir avec le lait de chèvre, par exemple? Avec deux chèvres, deux truies, oui. Et puis un âne, bien sûr. Ça coûte combien? Alors, c'est pas très cher pour les adultes, c'est 6,50, 6,50 €. Et puis pour les bouts de choux de 3 à 12 ans, c'est 5 €. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Ah, mais c'est génial! Parc animalier donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arc-en-Ciel, à Molégès. On retrouve évidemment cette destination sur le guide balado et puis sur balado.fr avec toujours Jean-Michel Mamane à sa tête et aussi sur notre site FranceBleu.com avec les podcasts. Merci Jean-Michel. Merci, puis bonne balade. Merci, on vous retrouve demain.